Chapitre 6e. Peu après ces événements, le commandant reçut, en confirmation de l'article du journal, une lettre de la marquise dans laquelle elle lui demandait, de la manière la plus touchante et la plus respectueuse, de vouloir bien, puisqu'il lui avait défendu de reparaître chez lui, envoyer à V celui qui se présenterait dans la matinée du 3 pour elle. Madame de Géry était présente lorsque le commandant reçut cette lettre. Elle lut bientôt sur sa physionomie l'irrésolution qui agitait son esprit. Quel motif aurait pu avoir la dissimulation de la marquise, puisqu'elle n'implorait point de pardon? Enhardie par cette apparence, Madame de Géry mit en avant un plan qu'elle avait depuis longtemps formé toute seule. « J'ai une idée, » dit-elle, tandis que le commandant fixait encore sur le papier un regard sans expression. « Si vous vouliez me permettre de me rendre point ou deux jours à V, je saurais forcer la marquise à tout m'avouer. » Lors même qu'elle connaîtrait déjà celui qui a répondu à son avis comme un inconnu, et qu'elle fut la plus astucieuse des femmes. Le commandant, froissant la lettre entre ses mains, lui répondit avec la plus vive émotion. « Vous savez que je ne veux plus rien avoir de commun avec elle, et je vous défends de la revoir. » Puis ramassant les morceaux de la lettre, il les cacheta dans un papier qu'il adressa à la marquise et remit au messager pour toute réponse. Madame de Géry, indignée de cet amour-propre intraitable qui rejetait toute explication, résolut d'accomplir son projet malgré lui. Elle prit avec elle un chasseur du commandant et partit le lendemain matin pour V. À son arrivée devant la porte, le portier lui dit que personne ne pouvait entrer vers la marquise. « Je dois être exceptée de cette mesure, » répondit Madame Géry. « Allez, et dites-lui que Madame la commandante de Géry demande à lui parler. » Ce serait inutile, Madame la marquise a déclaré qu'elle ne voulait recevoir qui que ce fût. « Je suis sûre qu'elle ne refusera pas de me voir, » reprit Madame Géry. « Je suis sa mère. Allez, ne tardez pas plus longtemps à remplir mon message. » À peine le portier était-il entré dans la maison pour faire cette commission, qu'il pensait fort inutile, que l'on vit la marquise en sortir, accourir vers la porte et s'agenouiller devant la voiture de la commandante. Madame de Géry descendit avec l'assistance de son chasseur et releva la marquise, non sans quelque émotion. La marquise, dominée par la force de ses sentiments, serra violemment sa main et la conduisit dans sa chambre, tandis que des larmes coulaient le long de ses joues. « Mon excellente mère, » s'écria-t-elle, après l'avoir fait asseoir sur un sofa, pendant que debout devant elle, elle passait ses mains sur ses yeux pour cacher ses pleurs. « À quel heureux hasard dois-je une visite qui m'est si précieuse ?»« Je viens, » dit Madame de Géry en serrant tendrement sa fille entre ses bras, « te demander pardon de la dureté avec laquelle tu as été chassée de la maison paternelle. »« Pardon, » reprit la marquise, et elle voulut lui baiser les mains. Mais sa mère les retira et continua. « Car non seulement l'avis que tu as fait insérer dans les papiers publics et la réponse qu'on y a faite nous ont persuadés de ton innocence, mais encore, je dois te l'avouer, à notre grand étonnement, celui-là même qui est l'auteur de cette réponse s'est présenté hier chez nous. »« Qui ?» s'écria la marquise, en s'asseyant auprès de sa mère. « Qui donc s'est présenté ?» Et l'attente la plus anxieuse se peignait sur tous ses traits. « Celui qui est l'auteur de cette réponse, celui à qui s'adressait ton avis. »« Eh bien, » dit la marquise, dont la poitrine se soulevant avec force trahissait l'émotion. « Quel est-il ? Encore une fois, quel est-il ? Je te le laisse à deviner. » « Pense donc hier, pendant que nous prenions le thé, je lisais justement le journal. » Un homme qui nous était bien connu se précipite dans la chambre avec les signes du plus violent désespoir et vient se jeter à nos pieds. Ne sachant que penser de cela, nous l'engageons à parler. Alors il nous dit que sa conscience ne lui laissait plus de repos, qu'il était l'infâme qui avait trompé Madame la marquise, qu'il savait bien comment on jugerait sa faute et quelle vengeance on en tirerait, mais qu'il venait lui-même s'offrir en sacrifice. « Mais qui ?» s'écria la marquise. « Comme je te l'ai dit, un jeune homme bien élevé que nous n'aurions jamais cru capable d'une pareille perfidie. Mais ne t'effraieras-tu point, ma fille, en apprenant qu'il est de la classe la plus basse et qu'il est dépourvu de toutes les qualités qu'on aurait censé devoir être l'apanage de ton époux ? Qu'importe, ma mère, il n'est pas tout à fait indigne, puisqu'il allait se jeter à vos pieds avant de venir se jeter aux miens. Mais qui est-il ? Dites-le-moi, qui ? Eh bien, reprit sa mère, c'est Leopardo, le chasseur que ton père fit venir tout jeune du Tyrol. Je l'ai amené pour te le présenter comme ton fiancé, si tu le reconnais. « Leopardo le chasseur ?» s'écria la marquise en se frappant le front avec désespoir. « Eh bien, qu'est-ce qui t'effraie ? As-tu quelque raison d'en douter ?»« Comment ? Où ? Quand ?» demanda la marquise interdite. il ne l'avouera qu'à toi seul. La honte et l'amour l'empêchent de confier cela à nul autre. Mais si tu ouvrais la porte de l'antichambre, où il est dans l'attente et l'inquiétude, je m'éloignerai, afin que tu puisses percer ce mystère. « Mon Dieu !» s'écria la marquise. « Un jour, pendant la chaleur brûlante du soleil du midi, je m'étais endormi, et en m'éveillant, je le vis se lever de dessus le canapé. » Et en même temps, elle couvrit de ses deux mains sa figure couverte d'un vif incarnat. Mais sa mère, en entendant ces paroles, était tombée à genoux devant elle. « Oh, ma fille, ô excellente fille !» s'écria-t-elle, et elle la serra entre ses bras. « Et moi, indigne que je suis !» Puis elle se cacha dans son sein. « Qu'avez-vous, ma mère ? » demanda la marquise étonnée. « Imagine-toi, ô toi, qui es plus pur que les anges du ciel, que de tout ce que je t'ai dit n'est pas un mot de vrai, que mon âme corrompue ne pouvait croire à tant d'innocence, et que j'ai inventé cette ruse pour m'en convaincre. Ma bonne mère !» s'écria la marquise, et pleine d'une douce émotion, elle se baissa vers elle et voulut la relever, mais elle s'y opposa. « Non, je ne bouge pas de cette place avant que tu m'aies dit si tu me pardonnes mon indignité, ô toi qui es si pure, si angélique. Moi, vous pardonnez ma mère, levez-vous, je vous en conjure. Tu entends, je veux savoir si tu pourras m'aimer et me respecter autant que jadis, ma digne mère, » dit la marquise en se mettant aussi à genoux devant elle. « Le respect et l'amour ne sont jamais sortis de mon cœur. Qui pouvait me croire dans des circonstances inouïes ? Combien je suis heureuse que vous soyez persuadée de mon innocence. » « Eh bien, reprit Madame de Géry, en se relevant soutenue par sa fille, je veux te porter sous mes bras, ma tendre enfant. Tu feras tes coups chez moi, et si j'attendais de toi un jeune prince, je ne te traiterais pas avec plus de tendresse et d'honneur que tu le seras. Les jours de ma vie ne s'écouleront plus loin de toi. Je brave l'opinion du monde entier. Je ne veux pas d'autre honneur que ta honte, pourvu que tu veuilles encore m'aimer, et ne plus penser à la dureté avec laquelle je t'abandonnais. » La marquise chercha à la consoler par ses caresses et ses serments sans fin. Mais la soirée s'écoula, et minuit sonna avant qu'elle réussît. Le lendemain, l'affliction de Madame de Géry, qui pendant la nuit l'avait agitée comme une fièvre ardente, s'étant un peu calmée, la mère et la fille partirent comme en triomphe pour retourner à M. Elles furent très gaies durant le voyage, plaisantant sur les hauts-parts de le chasseur qui était assis devant sur le siège. Madame de Géry remarqua que sa fille rougissait chaque fois que ses yeux se fixaient sur lui. La marquise répondit en souriant et soupirant tout à la fois. « Qui sait qui nous apparaîtra enfin le 3 à 11 heures du matin ?» Plus on approchait de M, plus les visages devenaient sérieux par le pressentiment des scènes décisives qui allaient se passer. Madame de Géry, qui ne voulait pas communiquer son plan, conduisit sa fille dans son ancienne chambre dès qu'elles furent arrivées et lui dit de se reposer, de ne pas s'inquiéter et que bientôt elle allait revenir. Environ une heure plus tard, elle rentra, le visage fort animé. « Non, » s'écria-t-elle avec une joie qui se décelait malgré elle, « non, il est impossible d'être plus incrédule. N'ai-je pas été obligée d'employer une heure entière pour le convaincre ? Mais à présent il pleure. « Qui ? » demanda la marquise. « Lui, » répondit sa mère, « quel autre a plus de sujet de le faire ?»« Ce n'est pas mon père, » s'écria la marquise, « c'est lui. Il pleure comme un enfant. Et si je n'avais eu moi-même des larmes à essuyer, j'aurais ri en le laissant dans cet état. Et cela à cause de moi. Et je resterai ici, » dit la marquise en se levant. « Ne bouge pas de cette place, mon enfant. Pourquoi me dicta-t-il cette lettre ? Qu'il vienne te chercher s'il veut jamais me revoir, ma bonne mère. Sans pitié !» s'écria la commandante en l'interrompant. « Pourquoi prit-il un pistolet ? Mais je vous en conjure, tu ne le dois pas !» continua Madame de Géry en faisant rasseoir sa fille. « Et s'il ne vient pas aujourd'hui, je pars demain avec toi. » La marquise qualifia cette résolution de barbare et injuste, mais sa mère repartit. « Tranquillise-toi, car j'entends venir quelqu'un, c'est lui sans doute. »« Où ? » demanda la marquise en prêtant l'oreille. « Est-ce celui-là qui dehors frappe contre la porte ? » ?»« Sans doute. » « Il veut que nous l'ouvrions. Laissez-moi !» s'écria la marquise en s'élançant de son siège. « Juliette, si tu m'aimes, demeure !» répondit sa mère. Et au même instant, le commandant entra, la figure cachée dans son mouchoir. Madame de Géry, lui tournant le dos, se plaça devant sa fille. « Mon père !» s'écria la marquise en tendant les bras vers lui. « Ne bouge pas de cette place !» répétait sa mère. « Tu m'entends ?» Le commandant, debout au milieu de la chambre, versé d'abondantes larmes. Il faut qu'il implore son pardon, continua Madame de Géry. Pourquoi est-il si vif? Pourquoi est-il si dur? Je l'aime, mais je t'aime aussi. Je le respecte, mais je te respecte aussi. Et s'il faut prononcer entre vous deux, tu vaux mieux que lui. Aussi je demeure avec toi. » Le commandant, brisé par la douleur, poussait des sanglots et des gémissements qui retentissaient dans la salle. « Mais, mon Dieu !» s'écria la marquise, en résistant à sa mère et en prenant son mouchoir de poche pour essuyer ses larmes qui coulaient avec abondance. « Il ne peut pas seulement parler, » dit Madame de Géry, « il pleure. » La marquise, s'élançant alors vers lui, l'embrassa, le supplia de se calmer. Elle pleurait elle-même. Elle voulait le faire asseoir, mais le commandant ne répondit rien. Il était immobile, restant debout. Il tenait ce regard honteux fixé sur le plancher. « Mais il en deviendra malade, » dit la marquise en se tournant vers sa mère. Madame de Géry elle-même, voyant son état douloureux, sentait faiblir sa fermeté. Le commandant, cédant enfin aux instances de sa fille, s'assit à côté d'elle et celle-ci, tombant à ses pieds, le combla de ses caresses. Alors, Madame de Géry reprenant la parole, « C'est bien. Tout ce qui lui arrive, il l'a mérité. Maintenant, il reviendra à la raison. » Et sortant de la chambre, elle les laissa seules. Sitôt qu'elle fut dehors, elle sécha ses larmes. Pensant aux dangereuses suites que pouvait avoir pour le commandant d'aussi fortes émotions, elle résolut de faire appeler un médecin si cela devenait nécessaire. Puis, se rendant elle-même à la cuisine, elle fit préparer pour le souper tout ce qu'elle put imaginer de plus réconfortant et de plus adoucissant. Fit chauffer son lit pour l'y faire mettre sitôt qu'elle le verrait paraître donnant la main à sa fille, et enfin, tout étant prêt, elle retourna dans l'appartement de la marquise voir ce qui s'y passait. En appliquant son oreille contre la porte, elle entendit un léger murmure, comme la douce voix de la marquise. Puis, regardant par le trou de la serrure, elle vit sa fille assise sur les genoux du commandant qui la tenait serrée entre ses bras, comme jamais de sa vie il ne l'avait fait. Elle ouvrit alors et entra le cœur plein de joie. Sa fille était à demi couchée, les yeux presque fermés, sur les genoux de son père, qui la couvrait de ses baisers. Elle se taisait, lui aussi. Il la regardait avec l'amour d'un amant qui est auprès de son ami, et il ne se lassait pas de coller ses lèvres sur les siennes. Madame de Géry éprouva un bonheur céleste à ce spectacle. Invisible derrière le siège où ils étaient assis, elle tremblait de troubler cette félicité parfaite qui venait de nouveau habiter sa demeure. Elle approcha enfin tout doucement et vint se mettre à côté de son mari qui, tout occupé d'embrasser sa fille, ne s'aperçut pas d'abord qu'il s'asseyait auprès de lui. Lorsque, se retournant, le commandant l'aperçut, ses yeux se baissèrent aussitôt, la honte couvrit son visage de rougeur. Mais voyant cela, Madame de Géry s'écria. « Que se passe-t-il donc ici ?» Puis, embrassant son mari, elle mit fin en plaisantant à cette scène touchante. Elle les conduisit à la table qu'on venait de servir pour le souper. Le commandant parut très gai, mais de temps en temps il pleurait, il mangeait peu et ne parlait pas. Les yeux fixés sur son assiette, il jouait avec la main de sa fille.